serment ne te connaît pas, et la sauterelle est bougonne. La taupe, elle, n'y va pas. Le papillon ne est personne. L'écho de ce pays est sûr. J'observe, je suis bon prophète. Je vois tout de mon petit mur, même petit bel chouette. Yeah.